The show must go on. Après ce dernier fiasco professionnel, Faustine, à nouveau chômeuse, retrouve la reine. Cette fois, elle change d'agence et s'inscrit chez des chasseurs de têtes qui officient pour des carriéristes. On la présente à Tetra Pak. Numéro 1 de l'emballage en Suisse, ça devrait lui plaire. Puis à Philippe Maurice. Des cigarettes à l'œil, le paradis. Puis à un grand groupe pharmaceutique. Partout, elle échoue lamentablement. Personne ne veut d'elle. Périmée déjà à 36 ans, elle commencera à coûter trop cher en assurance. De plus, elle vient de se marier, on la voit venir de loin, revendiquer un salaire de cadre pendant sa grossesse pour se tirer ensuite. Et ce n'est pas son CV qui dénonce une instabilité certaine qui peut donner confiance à des employeurs aussi exigeants. Le moral de Faustine en prend un coup. La remise en question est rude cette fois. Pendant 2 semaines, sans arrêt à l'affût, elle épluche les petites annonces, bien déterminée à trouver son bonheur. Elle finit par tomber sur l'offre d'emploi d'un marchand de couleurs dans une lointaine banlieue. S'étant présentée par téléphone, elle est immédiatement engagée pour 1 semaine à son propre compte. Parallèlement, tous les soirs pendant ce mois de février, le couple continue à se porter au secours des alcooliques en demande d'aide. Il y a eu 7 femmes devenues alcooliques suite à la rencontre fatale d'un trolleybus et d'une grue. La pauvre était en dessous. Immobilisée pendant des mois, opérée à moult reprises, elle ne s'en est jamais remise. D'autres encore téléphonent au milieu de la nuit. Mais hélas, malgré leurs efforts, Gilles et Faustine n'arrivent pas à les convaincre de venir en séance ouverte, celle où on n'a même pas besoin de se reconnaître alcoolique, juste d'écouter un témoignage. Entre 2 entreprises de sauvetage, il y a les mercredis soirs à Miroir. Les participants sont de plus en plus nombreux et les discussions s'animent pour le plus grand plaisir des modérateurs. Au début, Faustine se la joue aux journalistes de choc, comme ses héroïnes du moment, Christine Ockrent ou Anne Sinclair. Elle n'a peut-être pas d'aussi beaux yeux que la seconde, ni autant d'instructions que la première, mais c'est la première fois qu'elle ose parler en public. Que c'est bon de se sentir importante! À quoi d'autres rétorquent qu'il est tout aussi important d'être bon. Faustine, pour l'heure, a besoin de reconnaissance. Elle a besoin de s'exprimer, de partager son expérience de vie. Son premier témoignage complet est reçu avec bienveillance. Le second, dans un autre groupe, alors qu'elle voulait leur en mettre plein la vue, en accomplissant une prestation brillante, est reçu dans l'indifférence générale. Personne ne s'est reconnu dans cette aventurière internationale, alcoolique mondaine et risque tout suicidaire. Voilà qui donne du grain à moudre et force l'humilité. Parallèlement, Faustine a commencé le nouveau boulot chez le marchand de couleurs. Son collègue, un comptable, s'ouvre à elle au bout de 2 jours. Expliquant que leurs employeurs sont des escrocs et que si elle reste à son compte, elle a peu de chances de se faire payer. Lui-même va quitter son poste en fin de semaine et tant pis s'il les laisse des plumes. Faustine rumine et travaille. Elle travaille si bien que le vendredi soir, sa responsable lui demande de revenir la semaine suivante. Il faut bien remplacer le comptable qui a pris la fuite. Toujours à son compte et toujours pour 1 000 francs par semaine. Faustine accepte, sous réserve d'être payée tous les vendredis soirs. Autrement dit, maintenant, pour la première fois. Ce que l'autre, en état de choc, refuse mordicus. Alors Faustine ne reviendra pas lundi. Mais l'autre insiste. Puis appelle le grand patron sur son lieu de vacances pour demander la permission de puiser dans la caisse noire. Après un très long conciliabule, elle l'obtient. Mais à titre exceptionnel. À partir de là, Faustine sera payée en fin de mois. Faustine acquiesce, empoche 6 000 francs, remercie et s'en va. Le lundi suivant, elle reste à la maison. Et quand la secrétaire appelle, elle justifie sa décision au motif que les conditions ne la satisfont pas. Grand silence frisé à l'autre bout du fil. L'autre n'a jamais dû tomber sur un tel os de toute sa vie. Mais elle n'a pas le temps de réagir avant le... Impitoyable. À peine Faustine a-t-elle raccroché que le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Adia qui propose un poste de 4 jours chez Rémaco, courtier en assurance. La jeune femme peut commencer demain. Ça l'arrange bien, car Gilles ne travaillant pas le lundi, ils vont pouvoir profiter de ce qui reste de sa journée. En fait, pas vraiment, car le téléphone re-sonne pour la permanence AA. Et oh surprise, Stéphane, le frère de Faustine, est en ligne. Passé le premier moment de flottement, laissant tomber les barrières de la pudeur et de la crainte du qu'en dira-t-on, le jeune homme crache le morceau. Désespéré, en perdition, il a besoin d'aide. Il n'en peut plus, il veut arrêter de boire. Seul, c'est impossible, il le comprend maintenant. Actuellement, il vit à Sainte-Croix, un petit bled au-dessus d'Yverdon. C'est ce qu'ils ont trouvé de moins cher avec Marina quand ils ont été fichus à la porte de leur dernier domicile et que Steph a été déclaré en faillite civile. Faustine ignorait qu'un particulier pouvait se déclarer en faillite. C'est bon à savoir. Par contre, elle se souvient que cela avait sacrément défrayé la chronique familiale à l'époque. Elle avait été bluffée d'apprendre par la bande que papa avait accompagné son fils au tribunal et témoigné en sa faveur. Le couple ne fait ni une ni deux. Il saute dans sa voiture et part à la rescousse. Il y a une petite heure de route entre Lausanne et Sainte-Croix. Lorsqu'ils arrivent, c'est Sabrina, âgée de 2 ans, qui leur ouvre la porte. Marina, sa maman, est seule. Stéphane est parti. Elle ne sait où. Il n'a pas supporté la honte de se retrouver face à sa sœur. Déçue, frustrée, Faustine demande à Marina si elle peut faire quelque chose pour elle. Oui, tu peux m'apporter des cigarettes, et j'ai besoin d'argent. Et rien pour les enfants? Si, du lait, du pain et des couches. Gilles part faire les courses, tandis que Faustine visite l'appartement avec sa belle-sœur. Il y a 7 pièces, 2 salles de bain, dont une avec sauna, une cuisine équipée et un immense jardin, le tout dans un désordre indescriptible. Faustine ne se risque même pas à faire la leçon à Marina. Sitôt que Gilles revient avec les courses, le couple se retire. Chez Rimaco, le boulot est fastidieux. Des contrats d'assurance à perte de vue. Ce n'est qu'un boulot de dactylo, mais malgré tout, l'occasion d'observer de l'intérieur ce monde des affaires qui passe son temps à escroquer ses congénères en exploitant sa peur. Sûr que ce n'est pas sa vocation. Heureusement, les bureaux ne sont pas loin d'un parc magnifique où elle peut s'installer sur un banc pendant sa pause déjeuner, par des températures particulièrement clémentes en ce mois de février. Gilles, de son côté, après avoir été transféré à l'atelier de Renan, monte des lunettes à longueur de temps. C'est un déclassement qui ne dit pas son nom, sans doute dû à son dernier séjour à la métairie. Son patron a bien voulu le garder, mais il doit refaire ses preuves. Alors le jeune homme s'impose des quotas, et il est tout heureux quand il a dépassé son record de lunettes montées dans la journée. Si Faustine trouve cela puéril, elle espère que la perte de la gérance ne sera pas cause de rechute. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont conclu un pacte. Si l'un des deux devait rechuter, ils se sépareraient illico. Faustine, sachant qu'elle sera incapable de tenir le coup si son compagnon replonge, ne veut pas courir de risque. Le samedi suivant, Stéphane rappelle la permanence. Cette fois, il est à l'hôpital de Sainte-Croix, mais il ne peut rester plus longtemps. Il doit s'en aller. Il refuse de rentrer chez lui, se sentant en danger. Est-ce que Faustine pourrait venir le chercher pour le transférer aux Oliviers, la seule institution lausannoise qui pourrait le prendre en charge actuellement? Ce serait formidable si elle pouvait d'abord passer chez lui et prendre quelques affaires. Malheureusement, Gilles n'a pas congé le samedi. Faustine doit monter seule, en espérant que les routes soient bonnes car elle n'a pas de pneus neige. Finalement, elle s'en sort assez bien pour retrouver le chemin jusqu'à Sainte-Croix. Mais après, c'est plus dur pour la rue du Jura. Elle se perd 2 ou 3 fois avant de tomber sur la maison. Marina est là, tout sourire, qui l'attend. Elle semble très heureuse que son mari soit enfin pris en charge et raconte à Faustine qu'elle ne supporte plus son problème d'alcool. Alors qu'elle buvait autant, sinon plus que lui, dixit Stéphane. Avant que celle-ci se lance dans un long discours accusateur, Faustine demande à sa belle-sœur de lui apporter une valise ou un sac. Puis elle se dirige vers la chambre du couple et ouvre l'armoire à vêtements. Elle commence à empiler chemises, pulls et caleçons, lorsque sa belle-sœur entre dans la pièce. Non seulement Marina n'apporte pas de valise, mais elle garde les deux mains derrière son dos. Grâce à un jeu des miroirs, Faustine aperçoit du coin de l'œil la lame d'un couteau dans la main de sa belle-sœur. Heureusement, elle se trouve du bon côté de la porte. Rapide comme l'éclair, elle ramasse son sac, son manteau et se précipite vers la porte d'entrée que l'autre n'a pas pensé à fermer. Sitôt dans la rue, elle court à sa voiture. 5 minutes plus tard, elle franchit la porte de l'hôpital, le cœur battant à 100 à l'heure. Elle raconte sa mésaventure à son petit frère. Sitôt qu'elle s'est calmée, ils prennent la route. Pendant le trajet, Stéphane lui raconte le calvaire qu'il a vécu avec cette femme enfant qu'il a maintenue sous son emprise pendant plus de 4 ans. Si Gilles et Faustine sont venus pour rien la dernière fois, c'est parce que fuyant les hurlements de cette mégère, il a raté un virage et s'est retrouvé sauf, mais groggy, dans le fossé. Il a attendu plusieurs heures dans sa voiture qu'on le tire de ce mauvais pas. 1 heure plus tard, Faustine dépose son frère aux Oliviers. Il restera 8 mois dans l'institution. De retour chez elle, elle appelle immédiatement l'assistante sociale de la commune de Sainte-Croix et lui explique la situation. Sa belle-sœur est un danger pour les siens. Il faut préserver les enfants. Faites le nécessaire. Elle apprendra par la suite que les petites de 2 et 3 ans ont été immédiatement retirées à leur mère et confiées à l'Abri, un centre d'accueil d'urgence. Marina, après un séjour de longue durée à Cery, un centre psychiatrique vaudois, disparaît définitivement de la circulation, abandonnant mari et enfant. Faustine devra remonter à Sainte-Croix, organiser le débarras de l'appartement et le déménagement des affaires de Stéphane. La permanence téléphonique AA leur offre encore d'autres surprises. Le pénitencier de Bochu, dans la plaine de l'Orbe, les contacte dans le but d'instaurer des séances pour certains détenus alcooliques. Plusieurs personnes seraient intéressées, paraît-il. Le jour dit, Gilles et Faustine se rendent sur place. Ils ne sont pas convoqués dans les bâtiments de haute sécurité, entourés de miradors surmontés de barbelés et gardés par des soldats armés, accompagnés de leurs chiens, mais dans un ensemble de bâtiments plus petits qu'on nomme la colonie. Bien sûr, on y accède tout de même par des sas très sécurisés et il faut montrer patte blanche. Le tout est impressionnant. On sent qu'il vaut mieux résider à l'extérieur. La bâtisse dans son ensemble ressemble plus à une ferme qu'à une prison. Ici, les prisonniers condamnés pour des délits mineurs sont en semi-liberté. Ils sont astreints au travail des champs et à l'élevage du bétail. Pour ceux qui aiment la vie au grand air, c'est paradisiaque. Gilles et Faustine rencontrent Charles, un détenu très sympathique, qui souhaite arrêter de boire. Il s'attendait à plus de monde, mais c'est le seul qui a choisi de venir ce soir. Les autres préfèrent regarder le foot à la télévision. Charles leur parle beaucoup de sa vie de reclus, de la solitude et du sentiment d'abandon. Par ailleurs, il leur explique que, contrairement à ce qu'on croit, le sevrage n'est pas si facile que cela à la colonie, tant il est aisé de se procurer tout ce qu'on souhaite, alcool ou drogue. Gilles et Faustine étant déjà un peu au courant, ils confirment que dans ces conditions, il n'est effectivement pas facile d'arrêter de boire. La première séance a bien plu à Charles, qui souhaite les revoir. Rendez-vous est pris pour la semaine suivante.